Eh bien, nous poursuivons notre étude, une étude spéciale sur les dons de l'Esprit-Saint en ce moment, mais sur le travail de l'Esprit-Saint dans l'Église et dans la vie des croyants. Comme je vous ai dit, typiquement, Calvary Chapel va enseigner de façon systématique à travers un livre. Mais quand on finit un livre, on a comme une espèce de petite fenêtre, un petit choix, où on peut se dire, bien, il y a peut-être quelque chose en particulier qu'on veut regarder pendant quelques semaines. Et j'ai senti, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois de ça, le besoin et le désir de partager ceci avec vous. Et je crois que c'est effectivement approprié pour là où nous en sommes en tant qu'Église. On essaie de grandir, on désire grandir en profondeur et en vérité. Et ceci, je crois, va nous équiper davantage. Le titre de notre étude aujourd'hui, « Fidèle en peu de choses ».« Fidèle en peu de choses, rameur de cales ». Rameur de cales. Et vous allez voir pourquoi ce sous-titre. Lorsque j'habitais à Albuquerque, nous avons eu à déménager plusieurs fois. D'ailleurs, c'est typique ici au Québec aussi. Mais j'ai eu à déménager plusieurs fois et des fois à 3-4 mois de différence entre un déménagement et le prochain. Et j'avais quand même pas mal de bébelles. Étant occupé à l'église avec la famille, les deux enfants, c'était étonnant et merveilleux de voir des gens s'offrir à nous aider à déménager. Et quand on dit déménager, on ne parle pas d'un déménagement d'une heure, de deux heures, deux, trois petites affaires, puis ça s'arrête, tu prends une limonade. On parle de 15 heures de travail ardu pour 8 gars. Une grosse, grosse job. Et de voir ces gars-là qui m'ont déménagé à peu près 3 fois, incluant le déménagement final pour revenir au Canada, au Québec, qui est un déménagement fort important puisqu'il faut que tout soit rentré au pouce carré dans un immense camion, un travail de fou. Et de voir ces hommes-là, qui eux aussi ont des vies, mais qui se rendaient disponibles, qui désiraient servir, qui s'offraient à chaque fois avec empressement pour servir dans ma vie, pour servir ma famille, en quelque part pour servir l'Église, puisque j'étais occupé à servir à mon tour cette Église-là qui avait des besoins sans fin. Le don de service. Alors, on continue à regarder les dons de service qui sont toutes sortes de choses, dont le don de service et le don de gouverner ou le don de leadership. Nous allons voir le leadership la semaine prochaine, mais le don qui est jumelle ou jumeau de celui-ci, ce serait le don de l'aide, le don de service. En anglais, helps. Helps. C'est quoi la définition de ce don spirituel-là? C'est la capacité surnaturelle de mettre un fardeau d'un autre sur soi. La capacité surnaturelle de mettre un fardeau d'un autre sur soi. Voilà. Pourquoi surnaturel? Parce que vous êtes ultra fort? Non, pas nécessairement. Parce que vous, naturellement, vous offrez pour prendre le fardeau d'un autre sur vos épaules. Alors qu'a priori, on ne veut pas faire ça. On est toujours trop occupé. On n'a pas le temps de s'occuper des autres. Mais quand tu as le don de servir, c'est comme quelque chose que tu fais naturellement. Parce que c'est équipé, c'est énergémata, comme on avait dit au passé, par l'Esprit-Saint. C'est l'énergie de l'Esprit-Saint à travers le chrétien qui vous donne envie, désir de servir. Regardons ensemble dans notre texte, dans Romains 12, 7. Romains 12, 7. Et ensuite, la même chose est répétée dans 1 Corinthiens 12, 28. Romains, petite lettre, après les 4 évangiles et le livre des Actes. Romains 12, 7. Bon, on peut commencer à 6 pour le contexte. 12:6 de Romains. Mais nous avons tous des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Verset 7. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation. Et ça continue. On a vu l'enseignement déjà. On a parlé de l'enseignement, qui était déjà un des dons de service. Mais ici, on parle du diaconat. Regardez dans 1 Corinthiens 12, 28, qui est l'autre texte qui parle de ceci. Prochain livre, 12, verset 28. 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Ici, le mot, c'est secourir. C'est pas compliqué. Secourir, aider, venir en aide à quelqu'un qui a des besoins. Secourir. Évidemment, toutes les traductions ont des tendances à expliquer ce terme-là de façon différente. C'est pour ça qu'on est obligé de revenir un peu au grec, de voir à l'origine qu'est-ce que cela voulait dire. Dans Romains, on parle de diaconat. Diaconat, le mot grec, diaconat, pas compliqué, ou diaconia, pour être exact. Et ça, ça parle simplement d'aider un autre, de venir en tant que ministre dans la vie d'un autre. Le ministre, c'est le service, c'est être un serviteur dans la vie d'un autre individu. On voit ça à toutes sortes de niveaux, au niveau souvent physique, comme je vous ai dit, déménager quelqu'un, c'est une douleur physique, on n'a pas envie de le faire, après on a souvent mal au dos, et c'est un service que l'on fait pour un individu ou un groupe d'individus comme celui-là, celui de déménager. Où on voit, toutes sortes d'exemples dans le Nouveau Testament, on va en parler tout à l'heure, mais Paul qui servait l'Église de Jérusalem en étant finalement un service postal pour des ressources financières. Ce n'était pas l'argent de Paul, mais lui, il amenait les ressources financières à l'Église de Jérusalem parce que ceux-ci en avaient besoin. Il avait pris des sous de différentes églises à l'extérieur de Jérusalem et il amenait, comme UPS le ferait, des sous auprès de l'Église de Jérusalem. Il y a Onicéphore, qui servait à Éphèse dans 2 Timothée. Il y a Onésime qui aidait Paul, qui est en prison, qui amenait des objets à Paul en prison. On voit des choses bien spécifiques. Mais le mot dans 1 Corinthiens 12, 28, c'est pas la même chose, c'est pas diaconia, c'est un autre terme qui nous explique davantage qu'est-ce que ça veut dire le service, le don de servir. C'est antilapsis, antilapsis en grec qui veut dire une bonne action. Une assistance amenée à quelqu'un d'autre. En deux mots, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est prendre le fardeau sur vos épaules. Encore une fois, l'image du déménagement, je crois, fonctionne bien ici, parce qu'en quelque part, tu transportes ce que l'autre devrait transporter. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, quand tu déménages et que des gens t'aident, toi, parce que tu connais la maison, tu connais les besoins, tu connais où les choses doivent aller dans le camion ou être sorti du camion, tu finis par ne pas transporter beaucoup de choses. Parce que tu diriges un peu les gens qui sont là pour t'aider, pas parce que tu es paresseux, mais c'est ça finalement, ils prennent le fardeau sur leurs épaules. Évidemment, beaucoup d'entre vous vivez ça de toutes sortes de façons. En tant que parents, avec vos enfants, vous faites ça beaucoup, vous transportez des choses physiques, des fardeaux émotifs pour vos enfants. Dans le couple, ça se fait beaucoup, en tant que mari et femme, on prend un fardeau au nom de l'autre. Des amis, c'est cela, et l'Église, comme on disait tout à l'heure, c'est de venir prendre un fardeau pour l'autre. Si on fait des repas, par exemple, pour Andrew et Jason qui vont avoir un bébé, l'idée souvent, c'est de faire des repas pour qu'ils ne soient pas obligés de cuisiner, changer des... Tu sais, ils sont débordés, tu fais un petit repas, bon, c'est un petit peu une exigence pour toi, mais ça fait un immense changement dans la vie de quelqu'un qui reçoit ce repas-là. Donc, ici, antilampsis, une bonne action, amener une assistance. Ce mot-là est utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament, mais il y a un mot qui est similaire, attention, anti-lambanestai, dans Luc 1, 54, acte 20, et qui nous parle la même chose, qui nous parle de tenir une personne de façon forte dans l'intention de l'aider. Tenir un individu dans l'intention de l'aider. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ne veulent pas se laisser aider. Vous avez remarqué, non, j'ai pas de besoin, merci. Les gens sont indépendants. Et donc, l'Église, en particulier, souvent n'a pas son rôle, puisque les gens ne voudront pas recevoir l'assistance nécessaire. Bon, dans d'autres cas, il y a des gens qui vont venir et qui vont te demander des choses tout le temps. As-tu du cash? Peux-tu m'aider? Peux-tu... Bon, ce n'est pas de ceux-là qu'on parle. Mais en général, on est comme gêné de recevoir de l'aide. Mais pourtant, pour certaines personnes, aider, c'est leur don spirituel. Donc, les empêcher d'aider, c'est empêcher Dieu de travailler à travers leur vie et dans leur vie et pour vous. Ça a un sens. Donc, c'est pour ça que c'est que prendre une personne, pas de force, mais avec fermeté, dans l'intention de l'aider, de l'aider. Donc, souvent, les gens qui ont vraiment des besoins, les gens qui ont peu de sous, les gens qui sont malades, les femmes abandonnées vont hésiter à aller chercher de l'aide. Tous les dons spirituels sont des dons d'aide. Dans 1 Corinthiens, si vous êtes, nous sommes déjà là, 1 Corinthiens 12, 5, ça dit que, ou 12, 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, 4. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tout, ou tout en tous, pardon. Diversité de services. L'idée ici, c'est que tous les dons spirituels ont ça comme point commun, c'est qu'ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider dans l'Église, dans la vie quotidienne, dans nos rapports humains les uns avec les autres. Les dons spirituels sont là pour nous fortifier dans des moments où nous serions, ou sinon, faibles. Et c'est souvent notre situation. L'idée ici, encore une fois, c'est de venir et prendre le fardeau d'un autre. Remarquez que un leader, quelqu'un qui gouverne, a souvent besoin de gens qui viennent près de lui, près d'elle, pour l'aider à accomplir sa vision. Bon, ça se trouve partout, dans des grandes compagnies, ça se trouve dans une famille où on dirait peut-être que le père est appelé à être un peu le leader, ben, sans l'aide de son épouse, de ses enfants, il n'y a rien qui va se faire. Dans une église, on peut dire que le pasteur, sans l'aide des gens, serait absolument incapable d'accomplir quoi que ce soit. Et donc, le don de l'aide, le don du support, c'est de prendre les visions, la vision d'un leader et de la mettre en pratique. C'est très important. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, et on va regarder l'Ancien Testament rapidement, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y avait un individu qui était appelé un assistant. C'était Josué. Josué, regardez avec moi, si vous voulez, dans le livre de Josué, c'est très court. Josué, au tout début de la Bible, à peu près, je ne sais pas, le 8e livre, je dis bien approximativement, au tout début de votre parole, page 222, si vous avez une petite Bible brune qui sont disponibles près des sièges, 222, Josué, chapitre 1. Josué a été appelé, lui, à aider Moïse. Et il était finalement un jeune homme, on imagine, qui aidait Moïse à accomplir une vision incroyable qu'il avait reçue. On sait, hein, on a vu dans les 10 commandements, on a vu cette vision qu'il a reçue sur le mont Sinaï. Et ici, on voit chapitre 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, alors on voit déjà que Moïse lui-même était un serviteur, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. On voit ici qu'il était l'assistant de Moïse. Ce n'est pas un rôle très extraordinaire d'être appelé un assistant. Hein? Maintenant, on a toutes sortes de façons d'appeler nos termes, surtout sur nos cartes d'affaires. Assistant administratif, et on essaie d'entourer la réalité que des fois, bien, on est comme un peu un secrétaire ou une secrétaire. On fait des tâches qui permettent à l'autre personne d'accomplir ce qu'elle ou lui a à faire. Mais ici, donc, c'est rien de glorieux. Josué était un assistant, puis il faisait ce qu'il avait à faire de façon quotidienne. Mais attention, on va voir plus tard que d'un assistant, on peut devenir nous-mêmes, on peut avoir un rôle très important dans une société. Mais avant tout, il faut commencer quelque part. Être assistant ou avoir le don de l'aide essentielle dans l'Église, et c'est souvent un beau départ pour accomplir d'autres visions que Dieu peut nous donner à un moment donné. Dans Marc 9, 35, on revient dans le Nouveau Testament, Marc 9, 35, on voit, et on a étudié Marc ensemble, tout le livre de Marc tourne autour du fait que Christ était lui-même un serviteur. Marc 9, 35 nous dit, voilà. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Et regardez 10:35, qui est le verset clé du livre de Marc. 10:35 dit, est-ce que c'est exact? Me tromperais-je? Marc 10:35. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est-tu 10:35 quand il dit « Je suis venu, non pas... » 45, voilà. Ah, merci. 10:45. Dans Marc 10:45, qui est le verset clé du livre de Marc, on a déjà regardé ça ensemble, 10:45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ça, c'est l'exemple de Christ qui, lui, est le serviteur ultime. Le don du service, le diaconat qu'on a dit tout à l'heure, ou même l'autre mot grec, antilamsis, qui veut dire quelqu'un qui aide, c'est Jésus en chair et en os. Parce qu'il est venu pour aider. Oh, mais attention, Jésus, le pasteur, vous êtes tous en haut de la pyramide, on sait bien, c'est vous, c'est lui, c'est le leader, quoi. Comprenez une chose, c'est que dans l'économie chrétienne, la pyramide mondiale de Microsoft, par exemple, elle est inversée. La pyramide est inversée. Plus tu descends dans la pyramide, plus tu sers les gens, plus tu deviens un leader important. Pas parce que tu es grand, que tu es beau, que tu es merveilleux, mais au contraire, tu rapetisses pour que les autres grandissent. Alors, Christ serait à la toute pointe de la pyramide inversée de l'économie chrétienne. Alors qu'on sait que dans tous nos business, c'est l'inverse. Tu montes et il faut que tu écrases la tête des autres pour monter au sommet. Alors que nous, en tant que chrétiens, on doit descendre en espérant que le pasteur est le plus bas possible pour servir un maximum de gens. Et sachez que nos chairs, à tous et chacun, se battent contre ça. Mais non, je mérite ceci! C'est moi ou quelqu'un dans l'Église. Moi, je fais une étude biblique. Je mérite un certain respect. Alors que c'est l'inverse. Je mérite d'être traité comme Christ, comme le serviteur ultime. Pas facile pour nos petites chairs. Pas facile. Pas facile. D'ailleurs, on dit, l'image, c'est que les choses les plus grandes dans l'économie chrétienne sont sur les tablettes les plus basses. Les meilleurs biscuits sont sur les tablettes les plus basses. Il faut se baisser et s'abaisser pour aller les chercher, plutôt que de s'élever vers le haut. Dans Acte 26, 16, c'est bien intéressant. On parle du service de façon bien spécifique. On utilise un mot qui nous fait réfléchir et qui nous donne le titre de notre enseignement aujourd'hui, Acte, qui est le premier livre après les quatre évangiles. Acte 26, 16 dit ceci. Au 26, 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis, c'est Jésus que tu persécutes, évidemment. C'est l'histoire de Saül, ou de Saül qui se retrouve devant Christ. Et ici, on dit, abaisse-toi pour me servir. Et Paul répond, qui devient Paul, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » On voit ici que Paul est appelé à être un serviteur. Il n'est pas appelé à être une star de ministère. « Lève-toi et écris le Nouveau Testament. » Et ensuite, tu seras aimé et apprécié et élevé au nu de tous. Non. Je t'appelle à être serviteur. je t'appelle à être serviteur. Quand même incroyable. Et ici, le mot qui est utilisé dans le mot serviteur veut dire rameur de cale. Rameur de cale. En deux mots, je veux que tu sois un sous-rameur. Et ça vient d'où l'image? On a assez vu Astérix pour comprendre que c'était dans les galères, c'était les gens qui étaient dans le fond du bateau qui ramaient les serviteurs, les esclaves, qui ramaient pour que ces bateaux-là se rendent en Égypte pour aller voir, pour aller construire ce temple. Et c'était, l'idée, c'est qu'ils sont des sous-rameurs, des rameurs de cale. Ça veut dire que tu n'es pas sur le haut du bateau à te faire bronzer, à diriger le bateau vers une bonne cause, mais tu es en dessous à travailler. L'idée, c'est qu'on a besoin de sous-rameurs. On a besoin de gens fidèles dans les petites choses pour permettre au bateau de se rendre à un endroit. Et comme je disais, le don de service fonctionne avec le don de leadership. D'ailleurs, on va voir la semaine prochaine, dans le don du gouvernement, la gouvernance, le leadership, c'est que c'est justement être celui qui amène le bateau à bon port. C'est celui qui pilote le bateau. Mais sans les gens qui sont dans la cale, qui ne sont pas moins importants, je dirais qu'ils sont plus importants. Parce qu'il en faut beaucoup de gens pour ramer, alors que celui qui est en haut, lui, à la limite, on peut le remplacer. Mais il faut des rameurs, ou sinon on se rend nulle part. Paul est un rameur, et il comprend ça, il comprend ça. Jésus, comme je vous dis, devient un exemple incroyable. D'ailleurs, dans Philippiens 2, on nous dit justement qu'il est devenu un esclave. Jésus est un esclave, il s'est abaissé pour servir. Il a voilé sa puissance pour servir. Est-ce qu'on serait appelé nous-mêmes à voiler notre puissance? On n'est pas très puissant, un peu gaguesque, mais on a souvent l'impression, écoute, j'ai étudié, je connais des choses, je peux faire de grandes choses dans l'Église. Il me semble que ce que le pasteur fait, je pourrais faire ça demain. C'est très possible. Mais des fois, on est appelé à voiler nos connaissances, pas pour devenir niais, mais pour être utilisé par le don de Christ dans l'Église d'une autre façon. D'ailleurs, souvent les gens disent « Ah, moi, le ministère, ça a l'air incroyable. » Dans une petite église comme ça, c'est pas très flashy. Mais dans une grande, grande église où il y a des milliers de personnes, la seule personne qu'on voit, c'est le pasteur en avant. Et on se dit « Hey, moi, je pourrais faire ça. Il me semble que c'est bon, ça a l'air... » Ou comme on voit encore une fois Bill Gates à la tête de Microsoft. « Il me semble que je pourrais faire ça. Il me semble que c'est ça, avoir une compagnie. » Attention, ça, c'est juste une partie. C'est juste la pointe de l'iceberg. C'est l'iceberg. L'iceberg bouge parce que l'iceberg est dans l'eau. Donc, voiler nos connaissances comme Jésus l'a fait. Dans Acte 6, on voit d'ailleurs comment est-ce qu'on choisit les serviteurs. Acte 6. Je vous fais tourner à gauche à droite. Vous vous souvenez, quand on fait une étude de thématique, on se retrouve à se balader à travers la Bible pour fortifier une vérité qui est déjà là. C'est comme un enseignement systématique ou la théologie systématique, c'est que tu prends des versets qui fortifient une théologie qui est déjà là. Chapitre 6, verset 1. En ces jours-là, de Actes, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans les services quotidiens. Les 12, les disciples, convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, il a sa continue. Alors, ici, il y a des hommes qui sont choisis pour aider dans la création de l'Église qui grandit. Est-ce que c'est parce que ces hommes sont moindres qu'ils se mettent à servir les veuves? Non. C'est que les autres, les apôtres, étaient appelés, eux, à faire ce qu'ils connaissaient, c'était l'enseignement de la parole et la prière. Mais tu sais, il y a bien des gens qui n'ont pas envie de passer 30 heures par semaine à étudier leur Bible dans un petit bureau. Il y a bien des gens à qui ça dirait « Ah, moi, je trouve ça un petit peu poche. J'ai pas envie d'être tout dans la tête tout le temps, puis de passer... J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire bouger des choses, j'ai envie... » Super! Voilà pourquoi les gens travaillent les uns avec les autres. Et c'est comme ça que l'Église a été créée. Mais attention, Dans Matthieu 25, on nous dit que ceux qui sont fidèles avec peu de choses, on leur donnera beaucoup de choses. Regardez Étienne. Vous vous souvenez Étienne, d'ailleurs, j'ai donné le mot Étienne à mon fils comme deuxième nom. Extraordinaire. Cet homme-là était un serviteur de table. Okay? Mais Étienne est le premier martyr de l'Église chrétienne. Il s'est fait tuer à coups de pierre. Et on croit que possiblement Paul aurait été, Saul aurait été dans l'arène ou l'endroit ou la rue où cela se serait passé et aurait vu le sacrifice d'Étienne et que cela aurait été instrumental dans sa conversion à la chrétienté. Oui, mais lui, petit Étienne, il servait aux tables, des frites, des patates, des poutines, et là, il se retrouve à ne pas avoir aucun rôle important dans l'Église, bien au contraire. Premier martyr, et ensuite, un rôle essentiel dans la conversion de Paul, et c'est ce nom-là que j'ai donné à mon fils, et non pas le nom de Paul, parce que c'est un bonhomme incroyable dans la foi chrétienne, malgré qu'il était un serviteur. Étienne. Dans Romains 16, Paul nous parle de toutes sortes de gens qui l'aidaient, toutes sortes de gens qui venaient à ses côtés pour l'aider à accomplir son travail. Romains 16, verset 3, nous parle de certaines personnes ici, je vous les nomme, 16:3, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Christ Jésus. » Compagnons d'œuvre, ça veut dire ceux qui venaient me porter assistance. Ceux qui travaillaient à mes côtés, ceux qui suaient pour moi, ceux qui transportaient mes bagages dans mon camion. C'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient pour lui? Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils avaient, cousu des sandales pour Paul. Peut-être qu'ils lui avaient donné un lit dans leur maison. Peut-être qu'ils lui avaient même donné de la nourriture. On ne sait pas ce qu'ils avaient fait, mais on se doute que ceci, comme le mot « œuvre » en grec, fait référence à une action physique. Ils avaient aidé Paul de façon physique. Vous savez, c'est très, très important. Très, très important. D'ailleurs, dans le verset 9, regardez ici. « Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. » Ici encore, Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, même chose. Quelqu'un qui aurait servi Paul de façon physique. Qui aurait eu ce don-là, ce don de secourir. Qu'est-ce que Urbanus ou Urbain aurait fait pour Paul? On ne sait pas, peut-être qu'il aurait vendu certaines des tentes que Paul faisait, parce qu'on sait que Paul faisait des tentes pour survivre. Peut-être que Urbain était un vendeur de tentes. Hé, les meilleures tentes en Israël! Les tentes de Paul, et venez! Peut-être que c'était ça son rôle. Et que lui obtenait des sous, gardait 10%, bien sûr. Et puis ensuite donnait à Paul les sous nécessaires pour ses voyages missionnaires. On ne sait pas ce qu'il aurait fait, mais on sait que ces gens-là ont aidé Paul. Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie qui ont eu des rôles comme ça au niveau physique, technique, matériel, et que vous n'oubliez pas? Oui, il y a eu des grands professeurs dans vos vies. Mais ça, c'est un type d'individu. Il y a eu d'autres gens qui sont venus, je ne sais pas, quand vous avez eu une crevaison. Quand vous avez manqué de sous, que quelqu'un vous a aidé en vous amenant un panier de nourriture, quelqu'un vous a aidé à un moment ou à un autre. Ça, c'est ce service-là, le don de servir. Dans Philippiens 2:25, même chose, on nous parle d'un personnage ici qui était quelqu'un qui aidait Paul, qui donnait un service envers lui, qui amenait, je vous le lis, 2:25, qui amenait des besoins physiques, qui remplissait des besoins physiques dans la vie de Paul. 2:25, on dit que j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Donc, Épaphrodite, ici, a un rôle auprès de Paul. Venez avec moi dans Colossiens 3, 17. L'église de Colosse 3, 17. Verset que l'on connaît. Mais là, dans l'idée du don spirituel, du service, là, ça a bien un sens nouveau. Colossiens, petite lettre un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament, après Éphésiens, après Philippiens. Colossiens 3:17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Oh ben non, mais là, c'est pas important ce que je fais à l'église. C'est moi qui mets les tables en avant. C'est moi qui nettoie un peu les bouteilles après que les gens laissent. C'est moi qui ramasse. C'est pas important. Attention. À ce moment-là, si vous n'avez pas une compréhension exacte de votre capacité dans l'église ou dans tout ce que vous faites, vous devenez amer. On devient amer. On fait les choses, on est comme, oh, quand je ramasse, faut que je plie des antennes, faut que je range les ordinateurs. C'est dole, je pourrais m'en aller avec des amis. L'idée, c'est que si on est comme ça, c'est qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut faire à travers nous. Et à ce moment-là, c'est mieux d'arrêter. C'est pour ça que dans le mouvement Carabou du Chapeau, en général, je demande très peu. Je préfère moi-même accomplir les tâches que de demander les gens de les faire. Pourquoi? Parce qu'on croit que les gens doivent le sentir d'eux-mêmes, plutôt que de se sentir sous pression. D'ailleurs, des jeunes, surtout dans le service anglophone, me disaient que dans toutes leurs églises où ils sont allés auparavant, parce qu'ils ont toutes sortes de talents, où ils sont forts physiquement, où ils sont musiciens, ou ci ou ça, deux, trois jours après leur arrivée, une semaine ou deux, ils se retrouvaient sur scène à faire la musique, ils se retrouvaient à faire ceci, cela, parce qu'on leur avait... Ah, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et rapidement, il y a une amertume. Oh, l'église, c'est du travail, c'est plate, c'est la pression. C'est pas comme ça que ça devrait se faire. C'est un service qu'on fait à Dieu. Hein? Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, on le fait parce que Dieu nous donne l'énergie de le faire et nous donne envie de servir. Un peu comme une mère avec ses enfants. Oh non, il faut encore que je cuis un repas. Ce serait bien mieux de mourir de faim. Non, la plupart du temps, une mère ou un papa qui amène son enfant patiner, il le fait parce que c'est une joie. C'est une responsabilité, oui, mais une joie. Et on le fait pour Dieu, on le fait en Dieu. Donc, sachez bien que si je ne vous le demande pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais c'est parce que je désire que le Seigneur dépose en vous un désir de servir, un désir de servir. C'est un don vraiment important. Le don de l'aide, le don du service, le don de secourir, essentiel dans l'Église aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un don perdu. C'est un don qui n'est pas très flashy. C'est pas très reconnaissable. Ah oui, mais moi, je fais que ça. C'est ça, l'Église, pas très important. Au contraire. Au contraire, d'ailleurs, plus l'Église grandit, plus les besoins grandissent à ce niveau-là. Le besoin ici, derrière la chair, ne change pas beaucoup. Mais c'est pour ça que ça reste important, mais presque secondaire. C'est le reste qui grandit. C'est pour ça qu'au moment où on se parle, il y a des gens qui, en ce moment, en bas, servent. Ils servent les enfants, ils servent les ados, ils préparent la cuisine. Puis je ne veux pas nommer personne, mais c'est tellement petit que c'est évident. Mais les gens servent. Et je pense qu'en servant, on sort, puis on est comme stimulé. Waouh! Ça, ça a un sens. Ça, ça a un sens. Et souvent, en servant ou avant de servir, on n'a pas vraiment envie. Il y a comme une résistance, notre chair résiste. C'est un don bien important. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que 1 Timothée 6, 2 nous dit que souvent les gens dans l'Église ou avec des chrétiens ont tendance à être plus cheap d'eux-mêmes. Remarquez que nous, quand on sert des gens dans le monde, on se dit, moi, mais il faut que je donne une bonne apparence. Je vais bien servir, je vais faire de bonnes choses, je vais me donner à souhait. Ou même dans notre travail, parfois, on se donne. Puis on est reconnu comme un très bon employé. Bravo! Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut avoir un nom pour Christ, on veut faire des dollars, on veut être promu, on veut avoir une bonne attitude, quoi. Mais regardez, d'ailleurs, c'est reconnu qu'entre chrétiens, des fois, on est vraiment économe de nous-mêmes. D'ailleurs, la Bible dit, « Et que ceux qui ont des croyants pour maître ou patron ou on travaille pour d'autres chrétiens, pour ceux qui ont des croyants pour maître, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. » Ah, il va comprendre, c'est un autre chrétien. Il va comprendre que je ne suis pas là le dimanche puis que je suis supposé enseigner. Ah, il va comprendre que ça ne me tentait pas aujourd'hui parce qu'on est tous chrétiens, on est tous ensemble, on est tous en dessous la vérité de Christ. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Dans le fond, entre chrétiens, on devrait d'autant plus s'aimer, s'aider, être généreux les uns envers les autres. On revient dans 1 Corinthiens, si vous voulez bien, 1 Corinthiens 12, 28, et on termine là, ensemble, 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et c'est la même liste que j'ai lue tout à l'heure. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Waouh! Des apôtres, c'est quelque chose. Deuxièmement, des prophètes. Ouh, étonnant, phénoménal. Troisièmement, des docteurs. Ah, pardon, vous avez un doctorat extraordinaire. Ensuite, il a le don des miracles. Waouh! Tu transformes, tu bouges les choses, et on va voir tout ça un peu plus tard. Puis les dons de guérir. Ah, que ça, c'est vraiment merveilleux. Et ensuite, de secourir. En plein milieu d'une liste absolument extraordinaire, on met secourir. Le mot en grec est tout tout court, tout tout petit. Pourquoi? Parce que justement, les Corinthiens, eux, étaient très impressionnés. Eux voulaient des dons merveilleux, des dons spectaculaires. D'ailleurs, on n'est plus comme ça aujourd'hui. Les églises aujourd'hui ne sont plus à la recherche de grandes choses, ou bien au contraire, c'est pire que jamais. Dans les églises aujourd'hui, on veut des choses phénoménales, des grandes assemblées, des présentations vidéo, on veut des enseignements fabulesques, on veut quelque chose. Mais le don de secourir, alors là, moins. C'est pour ça que Paul le met ici, dans une liste aussi importante que celle d'apôtre, docteur, secourir. C'est tout aussi important, messieurs, dames. Si vous avez le don de secourir, le don d'aider, vous allez le sentir dans le sens que, naturellement, vous allez avoir tendance à vouloir aider. Oui, mais moi, je ne l'ai pas, ce don-là. Naturellement, je n'ai pas envie, je n'ai pas tendance à aider. Ah, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aider. À ce moment-là, vous vous asseyez, puis hein, vous devenez, comme on dit en anglais, des pew potatoes. Surtout ici, c'est des vrais pews, là, c'est des bancs de bois, des patates de banc. Vous recevez l'information, puis quand vous êtes bien plein, vous partez. Mais non. De toute évidence, nous sommes tous appelés à servir. Ceux qui ont le don de servir vont servir efficacement, abondamment, et ils vont avoir un plaisir extraordinaire à le faire, merveilleux. Et vous pouvez prier pour cela. Mais ceux qui n'ont pas ce don-là sont aussi appelés à servir. Oh, mais attends, nous sommes que c'est les pasteurs. Je veux dire, vous autres, c'est votre métier. Mais pensez-y, c'est petit, à la limite, on pourrait se dire, mais le pasteur frappé est capable, on est 15. Il faut s'occuper de nous. Oui, mais on espère qu'on ne sera pas 15 tout le temps. Puis qu'à un moment donné, bientôt, même aller prendre un souper avec chacun de vous, je suis sur le bord de plus être capable. À partir du moment où on va être 50, 60, et des fois, entre les deux services, nous sommes à peu près 70, je suis absolument incapable de rencontrer tous les besoins déjà. Donc, c'est vous. C'est vous qui devenez bien importants les uns avec les autres. Et c'est là le plaisir. Ah! On m'a donné le rôle de secourir mes frères et sœurs. C'est mon église. Je donne. Hey, as-tu besoin de jaser? Tu as l'air un peu déprimé. Veux-tu qu'on prenne un café? Tu deviens un instrument. Pasteur, il devient secondaire à ce moment-là. Secondaire. On va parler du pasteur la semaine prochaine. On va parler du don. Et certains d'entre vous, vous dites, oui, mais moi, je suis un leader né. Tant mieux. On a besoin de vous. Mais attention, un leader né, ce n'est pas celui qui est en haut. C'est celui qui est en bas. Tout en bas. Et pour être tout en bas, ça veut dire qu'il faut servir. De toute façon, il faut servir. Et que plus tu sers, plus naturellement, à un moment donné, tu te retrouves en bas. Et que là, bien, il n'y a personne d'autre pour le faire, je vais le faire. Et que là, les gens vont dire, hey, wow! Non seulement il sert, mais il fait bouger l'iceberg. C'est pas mieux, mais c'est un rôle en particulier. Donc, Luc 19, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Tu as fait des petites choses, parfait. Juste pour terminer, dans Josué, bon, c'était l'assistant de Moïse. Mais attention, je vous lis un petit peu plus tard, dans Josué 1, il n'était pas juste assistant. On dit ici, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. » Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est parce que, justement, Josué avait été un serviteur. Il avait secouru à bien des gens, incluant Moïse, que soudainement, il s'est retrouvé, lorsque Moïse est parti, à être le leader de la nation d'Israël. On ne sert pas pour obtenir le leadership. Parce que, faites-moi confiance, beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas le leadership. Ça ne vous intéresserait pas et ça vous écraserait de toute façon. Donc, on va voir la semaine prochaine, c'est ça même, c'est un don. mais on sert parce que c'est satisfaisant. Il n'y a rien de plus merveilleux que de dire, hey, non seulement je suis allé à l'église, non seulement je suis allé au travail, non seulement je me suis rendu dans le métro, mais j'ai servi quelqu'un aujourd'hui. J'ai eu un rôle dans l'économie chrétienne mondiale aujourd'hui. Ah, ça c'est le plaisir d'être chrétien. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce don spirituel du service, qu'il y a des gens qui naturellement veulent donner de leur corps physiquement à aider, à bouger, à réparer, à déplacer des chaises, à plier des écrans. Et il y a des gens qui naturellement s'offrent à ce niveau-là à servir dans l'Église, dans le contexte ecclésiastique, dans le contexte urbain, dans le contexte social, dans les couples. On te remercie pour ce don du service. Mais Seigneur, on prie pour que chacun de nous, nous soyons, moi le premier, à être stimulé, à être des meilleurs serviteurs. Oh non, non, moi je suis ceci, je suis cela, je suis un leader. Non, Seigneur. L'exemple, c'est Christ. Tout au bas de la pyramide, il servait un plus grand nombre de gens. Aide-nous, nous-mêmes, à servir d'autres à la gloire de Christ, à la gloire de Dieu. Nous t'aimons, nous te remettons cette journée et nous prions que nous recevions ce don du service. Pour aider dans l'Église, dans notre communauté, dans nos familles, dans notre lieu de travail. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.